souvent dit que l'argent n'était qu'éphémère et que le bonheur lui était sur les nerfs. Mais bon, je veux plus entendre vos bêtises sur l'amitié. Vos longs discours sur vos papiers, je demande pas votre pitié, non. J'essaie de trouver le bon moment pour te parler de ma vie quand j'étais môme. Mais l'envie disparaît momentanément. Je rêve pas de vos vies, non, je ne veux pas de trône. Juste un drone pour clipper, clipper, clipper. Je taffais, taffais, taffais. Ouais, y'a que ça qui me fait kiffer. Ouais, y'a que ça qui me fait kiffer. Le but recherché n'est pas d'être triste. Non, n'est pas d'être triste. Mon but n'était pas de t'abandonner. Même avec ce que t'as fait, oui, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Tout ce temps avec nous, tu l'as gâché, gâché. Nos souvenirs, ma jeunesse, elle est passée, passée. Elle est passée, passée. Comment faire pour réparer tout ce qui a été cassé? Le cœur sombre, je me dis que le temps se tâche. Qu'il serait temps d'effacer. Qu'il serait temps d'effacer. De tout laisser au passé. Qu'à force tu vas te lasser. Mais je suis toujours fâchée. Qu'à force tu vas te lasser. De tout laisser au passé. Qu'il serait temps d'effacer. Mais je suis toujours fâchée.